interférer aussi de la réparation des bâtiments quand il y a une porte qui ne va plus. Ou... C'est du non-stop. Walter a du travail, alors là, hein, pour des années, hein, Walter. Avec la demoiselle, article 60, toutes les... ce que vous avez vu au deuxième étage, c'est son œuvre aussi. Et Walter a énormément de savoir qu'il a retransmis à l'article 60 qui n'avait jamais travaillé dans la menuiserie. Et c'est parce qu'elle aimait le bois qu'elle a voulu, et c'est Walter qui l'a formé, qui l'a... Super, hein, Walter. Ouais, hein. Oh.